Merci d'être avec nous dans les Sport News. Dans un instant, retour à la musique avec Souf. Et c'est parti, on revient quand même sur la Coupe de France. Bel exploit du petit poussé Rex-sur-M. Et il est 10h. Les Sport News. Toute l'actu sportive sur Énergie. Et c'est parti, je vous rappelle un bel exploit de Rec-sur-M, c'était dimanche dernier, ils ont battu Beuvry-la-Forêt, donc ils restent en course. Voici les Sport News, c'est parti, on envoie les Sport News mon cher Quentin. Sport News. Et on commence eh bien, par cette Coupe de France et le tirage du prochain tour avec encore une fois de belles rencontres. Étape eh bien, à recevoir Grande-Synthe, Le Portel va recevoir Béthune, Boulogne se déplace à Loos, Berck eh bien, va recevoir Marc, Stenvoord se déplace à Noyelles-sous-Lens et Saint-Omer ira à Anzin. Et puis Rec-sur-M, le petit poussé qui a battu dimanche dernier Beuvry-la-Forêt, 3-2 aux prolongations, eh bien, reste bien sûr dans la course. Ce sera encore une fois une belle rencontre pour tous les supporters de Rec-sur-M. Julien Hurtevent et l'entraîneur de Rec eh bien, reviennent sur cette rencontre. On vient de loin, on mène au score, on est rattrapé, on est mené. On revient au fil des prolongations, à la fin, on arrive à s'en sortir et à gagner, c'est énorme. On remercie tous les supporters qui sont venus. Quoi. Qu'est-ce qui a fait votre force sur ce match? Le collectif, bien sûr. Puis c'est une équipe soudée, on l'a bien vu, même à 9, on a réussi à s'en sortir. C'est historique pour nous, grosse émotion. On a tellement travaillé et tellement été combatif que ouais, c'est énorme ce qu'on a fait, c'est énorme. Et en plus, je vous dis, c'est une équipe de camarades et regardez, on est soutenu par d'autres camarades. Ouais, c'est extraordinaire, c'est que du bonheur. Se reconcentrer dès demain sur le championnat parce que ça reste l'objectif prioritaire, à savoir le maintien, assurer le maintien rapidement. Et donc il faut tout de suite se concentrer dès demain. On va fêter ça ce soir néanmoins. Voilà donc attention à la crise cardiaque, Rec-sur-M reste dans la course et sera face à Villeneuve-d'Ascq à domicile. On y sera naturellement pour cet événement. Toujours en coupe, Hasbrouck ira à Maubeuge, une équipe de CFA 2. C'est l'ancien pro Stéphane Dumont qui a effectué le tirage. Espérons qu'il sera très très bon. On revient au championnat et en Ligue 1, et bien à 20h, hein, Lille se déplace à Guingamp. En Ligue 2 hier, et bien VA rencontrait Niort, victoire de Valenciennes 3-1. Lundi, Lens se déplace à Sochaux. En national, et bien ce samedi, Dunkerque se déplace chez le leader Concarneau. Boulogne reçoit et a reçu hier soir et bien Belfort. Les deux équipes se sont partagées les points après l'ouverture du score de Belfort par Régnier à la 18e minute. Puis Sonneville et bien égalise, donc donne 1-1 partout. But égalisé donc en première période et on a du mal ensuite à concrétiser pour terminer cette rencontre. En CFA, Calais reçoit Saint-Gratien. En CFA 2, eh bien, Grande-Synthe reçoit Beauvais. Boulogne B se déplace à Paris FC. Une réserve compliquée pour les joueurs d'Alexis Loreille, mais Paris eh bien, signé deux défaites consécutives. Donc attention quand même, généralement après des défaites, on a du mal à poursuivre la victoire. On passe au basket avec en pro A ce samedi le BCM qui reçoit Pau Orthez. Gravelines eh bien, a signé une bonne recrue, hein, Florent Pietrus, une star du basket français, international, le plus jeune retraité de France et de l'équipe de France. Il remplacera pour l'instant eh bien, Fernando Raposo. Un arrêt de longue durée, de longue semaine pour eh bien, ce joueur qui a mal au dos. Donc c'est un ami, donc on espère qu'il sera bien sûr très vite rétabli. Florian Pietrus eh bien, a déjà pris ses marques au BCM. Donc voilà, je me sens vraiment à l'aise. Je me sens à l'aise, mes coéquipiers, mes entraîneurs m'ont accueilli à bras ouverts. Donc ce sera à moi, comme j'ai dit, de m'adapter le plus rapidement à ma nouvelle équipe et d'être le plus productif et être moi-même. Le coach m'a demandé juste d'être moi-même sur le terrain et tout se passera bien. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire de demain. Voilà, donc c'est donc ce soir, hein. Ce sera bien sûr une star du basket à découvrir ce soir. Et puis Le Portel eh bien, se déplace à Strasbourg, un chaudron alsacien qui rappellera beaucoup de souvenirs à l'entraîneur Éric Gérard. En Pro B, c'est la reprise du championnat et la première rencontre à domicile pour le SOMB en recevant Aix-Maurienne. L'équipe de Boulogne eh bien, sera plus défensive et possède eh bien, une bonne formation avec comme objectif bien sûr le top 6, c'est l'objectif de l'entraîneur. Les supporters sont prêts pour ce soir. Gauthier Lemaitre eh bien, nous présente eh bien, cette nouvelle équipe de l'SOMB. Alors, il y a deux joueurs que vous connaissez, les anciens, on va les appeler. Il y a Xavier Corosine, le sniper du SOMB, et Kevin Mendy, le joueur polyvalent. Ensuite, il y a eu un mélange d'expérience et de jeunesse. En jeunesse, on retrouve Alexandre Moisy, qui évolue à Pau en espoir. et des joueurs comme Kadri Mondadze, qui était du côté de Cholet Basket. Il y a des revenants avec Abdoulaye Loum, qui était depuis 3 saisons à Orléans, mais il était venu il y a quelques années de cela au SOMB. Et après, des joueurs bien connus comme Jubam, Michel Jean-Baptiste Adolphe au poste de pivot, ou Grive Mépomier, qui nous vient de Saint-Chamond. Concernant les étrangers, on se retrouve cette année avec Teddy Gibson à la Main, qui était en Euroleague les dernières années, et Worthy de Jong, un Hollandais qui n'est pas du tout connu en France, mais qui va faire, n'en doutez pas, des cartons cette saison. Quelles sont les ambitions de l'SOMB cette saison ? Alors vous le voyez, je parle avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'espérance sur cette saison. Un top 6 est espéré, être dans les 6 meilleures équipes. La première équipe monte directement en Pro A et ensuite ce sont des playoffs, un mini tournoi avec les équipes étant de 2 à 9. On espère un top 6, on a vraiment de belles ambitions. Ça va être un championnat qui est très très ouvert. Germain Castano le disait récemment. Gagner à l'extérieur va être une épreuve, donc il va falloir être très solide à domicile et faire des coups à l'extérieur. Et voilà, donc Boulogne, ex-Maurienne, ce soir, Adam Raymond, attention, donc Aix a bien joué en Leader Cup. En National 3, Ardres reçoit Boulogne B, un derby, hein, Grande Sainte se déplace à Gravelines, et Lone Plage, leader du championnat, ira à Amiens. En Ring Coquet, le Scra eh bien, a signé une belle victoire, hein, eh bien, se déplace ce samedi à Passé, une équipe de promus. Pour l'instant, 2 victoires en 2 réceptions, reste plus qu'à confirmer à l'extérieur ce week-end à Passé. Résultat, bien sûr, demain dans les Sport News. Handball, jeudi soir, l'USDK eh bien, a coulé face au PSG 27 à 37. En National 2, Hasbrouck reçoit Compiègne. Et le HBLM, eh bien, en excellence région, se déplace chez le leader BIA. Ce sera demain à 17h. En freestyle, eh bien, c'est un nouveau sport à découvrir. Le freestyle sur glace, un sport spectaculaire. Donc, dans une patinoire, sous les lumières de la rampe, une association de Calais. Eh bien, les entraînements ont lieu à Calais sur la patinoire ICO. Et Benjamin Cosse, eh bien, nous présente le freestyle sur glace au micro de Quentin. C'est une association que j'ai conçue il n'y a pas très longtemps. Alors le freestyle sur glace, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un mélange de breakdance, hip-hop, artistique, mais sur glace, où on est libre de faire ce que l'on veut sur la glace. Ça commence à se développer un peu plus partout en France, également à Boulogne, que ce soit Dunkerque, Paris, Marseille, tout ça. J'ai créé mon association pour avoir le but d'en créer davantage un club pour plus tard en Fédération Française des Sports de Glace. Donc il y a quand même une différence entre le patinage artistique. Est-ce que ton association est rattachée à la Fédération Française de patinage ? Non, pas pour l'instant, parce que je ne sens pas encore prêt à mon groupe à devenir dans la Fédération. Je préfère attendre un peu que l'association se développe un peu plus, qu'on ait un peu plus de sponsors et tout ça. Donc il y a forcément des bénévoles dans ton association. Tu en comptes combien à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, nous sommes 6 bénévoles. Et est-ce que tu comptes en faire venir d'autres ? Bah, si il y a des personnes qui sont intéressées par faire du freestyle sur glace, ils peuvent venir à nos entraînements le vendredi soir de 18h à 21h. À la patinoire ICO. Vers quel âge on peut s'inscrire pour faire du freestyle sur glace ? Il n'y a pas d'âge. Il faut juste savoir danser, quoi. Il faut juste savoir tenir sur des patins, mais ça, après, on peut l'apprendre. Donc ça s'apprend avec ton association ou alors c'est à part ? Non, c'est un entraînement avec mon association. Il n'y a pas de club de patinage artistique pour apprendre à faire les premiers pas sur la glace ? Non, moi j'ai appris tout seul. Voilà, reportage signé Quentin, qui adore bien sûr rouler les patins, un sport à découvrir. Les rendez-vous du week-end, dimanche 23 octobre, le Triathlon Club Audemarois organise la 11e Bike and Run sur la plage de Boulogne. Ce sera une partie en vélo et une partie en courant. Le club de la Warocry vous propose une activité spectaculaire, le Fit Tennis, sport à découvrir pendant les vacances de Toussaint. Pour la 18e fois, la ville de Boulogne organise pendant les vacances de Toussaint le Challenge des Margas. C'est Maxime Beaumont qui sera le parrain, c'est un honneur bien sûr pour lui. Plus de renseignements au 06 82 67 07 72. Vous demandez Laurent Masson. Et puis Audemarose, eh bien, vous propose le premier Pink Color. C'est à Cerques, près de Saint-Omer, ce dimanche entre 9h et 9h30 pour les départs en marchant, en courant. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix. Attention, mettez des lunettes parce que la couleur, ça va voler. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Fabien Gillot reviendra à 10h30. Bon week-end. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer.

toute l'actu sportive et réactions à chaud dans les Sport News. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans l'émission. Alors, plusieurs fois médaillé, hein, 3 médailles olympiques. Maxime Beaumont était notre invité il y a quelques semaines. On peut revenir sur cette performance à Rio ? Oui, bien sûr. Bah, ça a été pour moi mes 4e JO, une 3e médaille sur 3 Olympiades différentes. Donc, beaucoup de fierté. Ça reste une belle médaille d'argent. On aurait espéré mieux vu qu'on gagnait le 4x100 depuis 5 ans maintenant. Mais bon, ça reste quand même une belle médaille d'argent et on arrive à la savourer. Alors, 3 médailles, est-ce qu'il y en a une particulière que vous appréciez le plus ? Oui, forcément le titre en 2012, être champion olympique dans une carrière, c'est particulier. Ça restera gravé dans ma mémoire et un très grand souvenir. Alors justement, on revient sur l'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement pour un nageur, pour arriver à ce niveau, tout comme Maxime Beaumont, on s'entraîne beaucoup ? Alors nous, on s'entraîne 6 heures par jour, 2 heures le matin dans l'eau, 2 heures en préparation physique l'après-midi et de nouveau 2 heures dans l'eau. Donc il faut compter 6 heures d'entraînement par jour. Et on ajoute à ça une heure de récup le soir, que ça soit massage, étirement, sauna, bain froid, etc. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de reconversion ? On m'a dit ça, hein, vous étiez dans le moment de reconversion. Est-ce que vous allez jouer au rink hockey ou vous allez jouer au handball ? Alors, bientôt, ouais, ça n'est pas encore la fin de ma carrière, mais je commence à m'en rapprocher. Et non, moi, je vais ni faire du hand, ni du rink hockey. Je pense que je ne suis pas très doué pour ça. Maintenant, je vais rester très proche du sport et m'investir auprès de plusieurs fédérations et du CNOSF notamment. Le sport vous a apporté beaucoup justement dans votre carrière, dans votre vie. Oui, exactement. Ouais. Pour moi, le sport, c'est une superbe école de la vie. On y apprend de merveilleuses choses. Et si on est capable de s'en rappeler, de ne pas les oublier, c'est quelque chose qui peut te servir toute une vie. Ouais. Alors, vous êtes dans la région d'Omaroz, habitez, donc vous connaissez bien le Nord. Saint-Omer vous accueille aujourd'hui. Un mot sur ce sport, le rink hockey ? Ouais, bah c'est un sport très physique. Je suis étonné de voir le peu de protection des joueurs. C'est vraiment un sport qui m'attire. C'est la première fois que je le vois. Petite similitude, j'avais vu du hockey déjà plusieurs fois sur glace, ayant évolué à Rouen. Mais c'est un sport très physique, très rapide, et je suis vraiment étonné du peu de protection des joueurs. Alors, ce sera pas le rink hockey pour la conversion ? Non, pas pour le moment. Peut-être un jour en tant que sponsor, mais en tout cas, pas en tant que joueur. Fabien, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous naturellement prochainement, à mon avis, dans une piscine. C'est ça. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonjour, c'est Fabien Gillot. J'écoute Sport News sur NRJ. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Si je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Ton autre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Matoka dan da dan da dan, ale dan da dan da dan dan, matoka dan da dan da dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve.

Sport News. Et on commence par le football. Et tout d'abord, eh bien, on revient sur la Coupe de France de la semaine dernière, avec bien sûr un tirage qui a eu lieu jeudi soir. De belles rencontres dans le prochain tour. Étape, eh bien, va recevoir Grande-Synthe, Le Portel va recevoir Béthune, Boulogne se déplace à Loos, Berck recevra Marc Stenvoorde, eh bien, se déplace à Noyelles-sous-Lens, Saint-Omer ira à Anzin, et puis Rec-sur-Aime, le petit poussé, qui a battu dimanche dernier Beuvry-la-Forêt sur le score de 3-2 après prolongation, eh bien, sera encore dans la course. Belle rencontre. On revient sur cette rencontre avec Julien Hurtevent et l'entraîneur de Rec-sur-Aime au micro de Quentin. On revient de loin, on mène au score, on est rattrapé, on est mené. On revient au fil des prolongations, à la fin, on arrive à s'en sortir, à gagner, c'est énorme. On remercie tous les supporters qui sont venus, quoi. Qu'est-ce qui a fait votre force sur ce match ? Le collectif, bien sûr. Puis c'est une équipe soudée, on l'a bien vu, même à 9, on a réussi à s'en sortir. C'est historique pour nous, grosse émotion. On a tellement travaillé et tellement été combatif que... Ouais, c'est énorme ce qu'on a fait, c'est énorme. Et en plus, je vous dis, c'est une équipe de camarades, et regardez, on est soutenu par d'autres camarades. Ouais, c'est extraordinaire. C'est que du bonheur. Se reconcentrer dès demain sur le championnat, parce que ça reste l'objectif prioritaire, à savoir le maintien, assurer le maintien rapidement. Et donc il faut tout de suite se concentrer dès demain. On va fêter ça ce soir néanmoins. Voilà, ils ont fait ça très très tard dans la nuit et ont eu beaucoup de mal au boulot dès lundi matin. Donc je vous rappelle que Rec, eh bien, reste dans la course. Elle sera face à Villeneuve-d'Ascq, ce sera à domicile. Nous reviendrons bien sûr sur l'événement avec Quentin. Et puis Hazebrouck, eh bien, ira à Maubeuge, une équipe de CFA2. Puisqu'on parle de Hazebrouck, eh bien, sachez que ce samedi, Hazebrouck, eh bien, reçoit Biache. Hazebrouck se porte bien, il ne faut pas l'oublier naturellement dans ce championnat. Et là également, nous reviendrons sur l'événement en cours très prochainement dans les Sport News. On arrive au championnat et en Ligue 1. Eh bien, à 20h, Lille se déplace à Guingamp. En Ligue 2, hier, eh bien, Valenciennes a rencontré Niort. Une victoire de Valenciennes sur le score de 3-1. Et Lille, eh bien, se déplace lundi à Sochaux. En National, eh bien, ce samedi, Dunkerque se déplace chez le leader Concarneau. Boulogne reçoit et a reçu hier soir, eh bien, Belfort. Les deux équipes, eh bien, se sont partagées les points après l'ouverture du score de Belfort par Régnier à la 18e minute, puis Sunville, eh bien, lui égalise à la première période pour faire un score de 1 partout, et naturellement les deux équipes n'ont pas réussi à donner le but de la victoire. Calais reçoit Saint-Gratien, et puis en CFA2, eh bien, Grande-Synthe reçoit Beauvais, Boulogne-UB se déplace à Paris FC, une réserve compliquée pour les joueurs d'Alexis Loreille, mais Paris, eh bien, signé 2 défaites consécutives, alors attention au match de Rebellion. On passe au basket, et ce samedi, eh bien, le BCM reçoit Pau Orthez. Gravelines, eh bien, signé une belle recrue et bonne recrue, Florian Pétrus, une star du basket français, le plus jeune retraité de l'équipe de France. Il remplacera Fernando Raposo en arrêt pour quelques semaines suite à un mal au dos. Et notre ami Florian Pétrus, eh bien, revient sur ses meilleurs souvenirs. C'est vraiment ce titre de champion d'Europe en 2013 gagné avec l'équipe de France. Je pense que ça restera pour moi le souvenir de ma carrière, même s'il y en a eu beaucoup avec mon premier titre de champion de France avec Pau. Mais je pense que le fait de gagner un titre avec l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Donc en sachant d'où on vient, on a galéré des années avant d'arriver à ce titre-là. Donc c'est ce qui rend la chose encore plus belle. Quand tu sais que tu as vraiment galéré avant de gagner un grand titre majeur, tu l'apprécies plus. Donc voilà, ce sera pour moi, ouais, c'est pour moi le plus grand souvenir de ma carrière, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Donc on va essayer de commencer par cette saison, et en espérant de faire une très grande saison. Et il est qualifié ce soir pour jouer face à l'équipe de Pau Orthez. Donc ceux qui iront au Sportica ont la chance de voir, et puis également ceux qui ont gagné des places en jouant dans l'émission. On poursuit avec Le Portel qui se déplace à Strasbourg ce soir, un chaudron alsacien qui rappellera beaucoup de souvenirs à l'entraîneur Eric Gérard. En Pro B, c'est la reprise du championnat et la première rencontre à domicile pour l'SOMB en recevant Aix-Maurienne. L'équipe de Boulogne, eh bien, sera en plus avec une bonne équipe défensive et possède une très bonne formation avec comme objectif bien sûr le top 6. Les supporters sont prêts pour ce soir. Le SOMB, eh bien, s'est bien préparé en prologue de début de saison. Gauthier Lemaître. On a affronté de belles et grosses équipes, notamment le BCM où on a été en finale de la DLSI Cup qui est leur tournoi annuel de pré-saison. où on s'incline en finale contre le BCM Gravelines. Et ensuite, on a eu cette phase de poule de la Disneyland Paris Leaders Cup. On a terminé premier de notre poule. Une poule où il y avait notamment Lille et Le Havre. Donc, c'est une belle perf. Premier match, et c'est Aix-Maurienne. Le premier match est vraiment important. C'est ce qui va lancer la saison. On n'a pas le droit de perdre à la maison. À domicile, en plus, Aix-Maurienne, c'est une équipe qui est promue. Mais attention, grande, grande méfiance. Ce samedi, ça risque d'être un très beau match à Dan Raymond. Que cette équipe d'Aix-Maurienne, pour preuve, a gagné de plus de 15 points. C'était le week-end dernier chez eux, face à la belle équipe de Bourg-en-Bresse, qui est le favori de cette Pro B. Donc méfiance, grosse méfiance pour les sommistes ce samedi soir face à Aix-Maurienne. Quelle est la force de la SOMB cette année pour toi ? Qu'elle est plus dure. Elle est vraiment plus dure. Il y a des joueurs vachement physiques. Il va être difficile de marquer des paniers. On l'a vu sur cette pré-saison, pas une équipe a mis plus de 80 points au SOMB, ce qui est une chose assez rare. On était connus pour avoir un jeu rapide. Donc je dirais la dureté, un beau mélange entre jeunesse et expérience. Et voilà, rendez-vous ce soir donc, salle Dan Raymond, Boulogne, Aix-Maurienne, premier match du championnat. Attention, Aix a bien joué en Leader Cup. Toujours en basket, en National 3, Ardres reçoit Boulogne B, un derby Grande Synthe qui se déplace à Gravelines. Lone Plage, leader du championnat, sera à Amiens. Et puis, toujours en basket, eh bien, sachez que Nando De Colo, meilleur basketteur français, il a été élu donc cette semaine pour la deuxième année consécutive. Nando De Colo, âgé de 29 ans, eh bien, remporte le trophée Alain Gilles, décerné au meilleur basketteur français. Le nordiste eh bien, joue avec l'équipe de Moscou. Henri Coquet, le Scra, eh bien, qui a signé de belles victoires depuis le début du championnat en à domicile, eh bien, se déplace à Passé, une équipe de promus. Pour l'instant, deux victoires en deux réceptions, c'est bien. Et ça reste bien sûr à confirmer à l'extérieur. Ce week-end à Passé, résultat bien sûr demain dans les Sport News. Handball, ce jeudi soir, eh bien, l'USDK a coulé face au PSG, 27 à 37. En National 2, Hasbrouck reçoit Compiègne. Le HBLM en excellence région se déplace chez le leader BIA. Ce sera demain à 17h. Quelques rendez-vous à ne pas rater dans le Boulonnais. Tout d'abord, eh bien, le dimanche 23 octobre, le Triathlon Club Boulonnais organise eh bien, la 11e bike and run sur la plage. Une partie en vélo, l'autre en courant. Et puis le club de la Warrockerie eh bien, vous propose une activité spectaculaire de fit tennis pendant les vacances de Toussaint. Les Audomarois, Audomaros, eh bien, vous propose le premier Pink Color. C'est à Cercq, près de Saint-Omer, ce dimanche entre 9h et 9h30 pour le départ. Et en marchant, en courant, vous avez donc le choix. Et puis le freestyle sur glace, eh bien, un sport spectaculaire sur glace, bien sûr, en association de Calais. Les entraînements ont lieu à Calais, sur la patinoire de ICO. Et on retrouve eh bien, Benjamin Cause, qui espère eh bien, créer son championnat officiel. Récemment, il y en a eu un, mais ce n'est pas vraiment des championnats. C'est des rassemblements de freestylers de toute l'Europe qui se réunissent dans une seule patinoire. Et chacun montre ce qu'il vaut. Alors, on pourrait peut-être donner le nom de ton association pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette association de freestyle sur glace. Oui, c'est l'association Team X-Slide. Alors, comment on fait pour s'inscrire ? Il y a un numéro de téléphone, une page Facebook, un site internet ? Oui, il y a la page Facebook, c'est juste Team X-Slide. Peut-être un numéro de téléphone pour les gens intéressés ? Oui, mon numéro de téléphone à moi, le 07 86 04 59 25. Merci beaucoup Benjamin Cos d'être venu dans l'émission ce matin nous présenter un petit peu le freestyle sur glace. Donc ça se trouve à Calais, à la patinoire ICO, on le rappelle. Oui, c'est exact. Merci Benjamin d'être passé ce matin dans l'émission. De rien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le freestyle sur glace ? Mais qui se développe de plus en plus et qui sait sera aux Jeux Olympiques un jour. Et on l'espère pour lui, donc Benjamin Cos, c'est bien sûr le président de l'association. Allez, un petit mot pour terminer, c'est la 10e fois que la ville de Boulogne eh bien, organise pendant les vacances de Toussaint le challenge des Margas. C'est Maxime Beaumont eh bien, qui sera le parrain. C'est un honneur pour lui. Si vous voulez plus de renseignements, 06 82 67 07 72. Merci d'écouter les Sport News. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Salut, c'est Martin Mullet, gardien de Saint-Omer Futsal, et j'écoute les Sport News sur Énergie. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, it's

C'est qui? C'est Lastoine. DJ Lastoine. C'est qui? C'est Joel. J'ai dit c'est Joel. Y'a qui? Y'a Muggy. J'ai dit y'a Muggy. Y'a qui? Y'a qui? Numéro 1 pour les nouveaux hits. Are you ready? Are you ready? News. Et dans un instant, on va retrouver notre dernier invité de ce samedi matin, c'est Philippe Taquet, pour une pleine préparation. Championnat de France de cyclisme, après Boulogne, Saint-Omer a été choisi et ce sera fin juin 2017. On reparle de l'événement avec lui dans un instant, pour parler bien sûr cyclisme. tous les matins avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est comme ça. Élise, qu'est-ce qu'il ne faut pas savoir sur toi ? Que je touche les cheveux de tout le monde. Tu touches les cheveux de tout le monde ? Ouais, même si je connais pas, il faut que je touche les cheveux. Mais pourquoi tu veux toucher les cheveux des gens ? Pour ouvrir mon salon de coiffure et donc je touche les cheveux pour dire ce que c'est, quoi. Eh, c'est quoi ? Heureusement que tu veux pas être proctologue, hein ? Non, pas Rendez-vous lundi, 6h, 9h30 sur Énergie. Tout de suite sur Énergie, on est avec Olivier Dion. Olivier Dion est d'Artagnan dans le spectacle musical Les Trois Mousquetaires, dont Intermarché est partenaire. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous en ce moment pour une super aventure musicale au Palais des Sports de Paris et en tournée dans toute la France. D'ici là, n'oubliez pas, un pour tous et tous pour un. Et tous unis contre la vie chère avec Intermarché. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers hors pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. La technologie pour Darty, c'est faire le choix d'une box internet innovante pour une expérience télé enrichie. Et tout ça au meilleur prix, service compris. Jusqu'au 31 octobre, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec tous les services exclusifs Darty est au prix anniversaire de 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Qui habille colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Qui habille, avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détail zip, 5 coloris à seulement 12€. 12€ pour être stylé le jour ou glam la nuit, oh, j'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions en magasin et sur kihabille.com. Qui habille, la mode à petit prix. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000€, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All Inclusive égale tout compris. Allô ma belle, devine où je suis. À ton nouveau cours de yoga. Non. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais. Le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sais. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690€. Oui, 7 690€. Avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Opel Saint-Omer, garage Le Moine, zone industrielle du Fort Maillebois à Longnes. Portes ouvertes ce week-end. À partir du 5 octobre, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2 000€, 200€ vous sont offerts. Porte ou volet, le lièvre hésita. Et lorsqu'enfin il se décida, la tortue, elle, avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire, il faut courir et point. Monsieur Store. Demandez vite un devis gratuit à Monsieur Store Hasbrook au 03 28 41 83 58. Ou retrouvez nos rues de l'église à Hasbrook. Voir conditions de l'offre en magasin. Un spectacle exceptionnel. Des numéros primés dans les plus grands festivals. La 8e édition du Longness Générosité revient à Longnes pour 4 jours encore plus fous. Du 10 au 13 novembre, vivez la magie du cirque en famille. Parking Cénéo, un rendez-vous unique au prix exceptionnel de 7,50€. Billets en vente chez Ecom, place de l'hôtel de ville de Longnes et à l'office de tourisme de Saint-Omer. La 8e édition du Longnes Générosité du 10 au 13 novembre. Un événement à vivre en partenariat avec Énergie. Savez-vous que Citroën Saint-Omer innove pour le financement de votre nouvelle voiture ? Frédéric Gilbert, chef des ventes Citroën. Oui, effectivement, demain vous venez acheter une voiture neuve chez Citroën, nous avons une nouvelle offre de financement Smile & Go. Une offre sur mesure, durée, kilométrage, apport, adaptée à chaque client. Un réel avantage pour tous nos clients. C'est simple, tout est compris, voiture, garantie, entretien, assistance XL, un seul interlocuteur. Je vous invite donc à découvrir cette offre Smile & Go lors de nos portes ouvertes ce week-end. Voir conditions chez Citroën Saint-Omer, route de Calais à Saint-Martin-aux-Lards.

toi. Oh yeah, on dirait